بسم الله الرحمن الرحيم في درس الماضي أخذنا ماذا؟ الوصل والفصل نعم وهذا طيب ندخل مباشرة في الآن اللام الشمسية وبعده اللام القمرية disons en français les lettres solaires les lettres lunaires وهذا درس qui est سهل جدا نمر عليه مرة إن شاء الله قال وهي لام التعريف التي تدغم فيما بعدها فلا تلفظ بل يلفظ بالحرف الذي بعده مشددا مع ملاحظة أنها تكتب مثل ال للتعريف qui est inséré dans le harf qui est après ça veut dire que le L ne se prononce pas mais on prononce la lettre qui vient après le lam avec une shadda وسميت شمسية تشبيها بلام الشمس بجميع الإدغام c'est pour ça que ça s'appelle شمسية parce que c'est un exemple شمس on ne dit pas L شمس on dit H شمس donc le lam ne se prononce pas mais il se prononce comme un deuxième chine avec une chadda. Lakin, on l'écrit. وَتُدْعَمْ فِي هَدِي الْحُرُوفِ وَعَدَدَهَا 14 حَرْفًا C'est حُرُوف شَمْسِيَة, sont les 14. تَ, ثَ, صَد, رَ, تَ, ذَد, ذَل, نُن, دَل, سِن, ذَ, زَي, شِن, لَم. Ces 14-là. وَكَدْ جُمِعَتْ فِي أَوَائِلْ كَلِمَاتِ هَدِي الْبَيْتِ Et là, il va citer deux vers de poésie. Et ces lettres-là sont au début de chaque mot. Tib thumma sil ruh man tafuz dif za na'am ou ni'am da' su adhonnin zur sharifan l'kiram. Donc là, tib ta thumma fa sil sad ruh man ra tafuz ta dif dad za zel ni'am nun da' del su'a sin ظنن ظ زور زي شريفا شين للكرام لام تمام ثم امثالها دي مو اكزامبل الطيب الثراء الصبر الرحمه التواضع التواضع الضوء الذهب النهر الدواء السبيل الظبء الزهر الشكر الليل قال ملفوظة نومك من المعلوم أن حمزة التعريف حمزة الوصل فإذا جاء قبلها كلام فإنها تحذف نطقا وتثبت كتابه نحو جاء الطبيب d'accord C'est un hamzat al-wasl de L. Si il y a un autre mot qui vient derrière, le hamza, il tombe. Et on prononce directement. Ja, tu dis ja'a tabib. Si il y a un autre, tu dis ja'a tabib. Et si il y a un autre, tu dis ja'a tabib. Ja'a tabib. Fayuntaku biha kaza. Ja'a tabib. Comme c'est écrit là. Comme s'il n'y avait pas de L. Avec un shadda sur le ta. Baba'adouhum yaktubuha kama. نطقها وهذا خطأ car des gens ils écrivent ça ils écrivent pas L ils écrivent جاء مثلا ثم مباشرة طبيب avec une شدة ça c'est un خطأ هذا يقوى فيه بعض المبتدئين فينبغي التنبيه له parmi les débutants وكذلك إذا كانت الكلمة السابقة آخرها حرف علة ساكن فإنه يحذف نطقا لالتقاء ساكنين pareil si il est précédé d'un mot qui est un harf illa, qui est un waw, ou un alif, ou un ya, saakin, cette lettre-là, on ne la prononce pas en med. On la prononce comme une harakat, tout simple. et on enchaîne directement dans harf mushaddad. Nahu, مثلاً كلمة في الدار رجلون. Tu prononceras comment? في الدار. Comme s'il y avait في avec une kasra mashra accrochée au dal mushaddada. في الدار رجلون. فينبغي التدرب على مثل هذه الكلمات حتى ترسخ في ذهن الطالب وتكون كتابة سليمة والله الموفق. Donc on s'entraîne à ça. Mais ça, c'est, alhamdoulilah, des choses primaires que les frères et les sœurs, généralement, ils apprennent dès le début. Ça, c'est muhim de connaître cela. Et des fois, ça peut arriver, tu vois, une personne fait surat al-kalam, mayan tabih, il prononce un shamsi kamari. Ça peut arriver, ça peut dire qu'il ne connaît pas. C'est juste que sur le moment, là, même qu'il n'a pas été habitué. La siman, l'iman ta'ala mahada ou akabir. Il a pris cela alors qu'il était déjà grand. C'est pas ancré comme l'arabophone qui, depuis petit, lui, c'est. Voilà, quoi. C'est toujours une chose qu'il faut pas oublier de comprendre, de cerner. C'est celui qui a appris grand, n'est pas comme celui qui est né avec. Par exemple, quelqu'un il apprend grand la langue française, il y a des liaisons que toi tu vas mal les faire. C'est ce qu'il va encore te dire des fois, les enfants. Il n'y a pas, il ne connaît pas, mais c'est pas un réflexe en lui, tu vois. Il se dit, ses enfants, oui, je sais, j'ai. Man tabahat. Des erreurs de refla, ça arrive à tout le monde. Taïb. Qala. لام القمريه لام القمريه l'opposé لام qui est lunaire comme ils le disent وهي لام التعريف التي تظهر في النطق celle-ci se prononce clairement le لام se prononce clairement سميت قمريه تشبيها لها بلام القمر القمر je dis bien القمر donc elle ressemble à cela donc on l'a prononcé بجميع الاظهار elle apparaît clairement c'est un اظهار total وتظهر عند هذه الحروف وعددها 14 حرفا كذلك 14 lettres parce que les lettres hijaïyah sont de 28 donc là c'est la moitié et certains ils ont ajouté le hamza en plus du alif ils ont dit qu'ils sont 29 comme l'auteur d'ailleurs lui wasal c'est quoi ces حروف alif ba ghain ha jim kaf واو خاء فاء عين قاف ياء ميم هاء ces 14 lettres là elles sont comme un ria tu prononces le L totalement ويا مجموعة في قولهم ابغي حجك وخف عقيمه ابغي حجك وخف عقيمه donc si tu as mis ta phrase cette phrase là tu auras les حروف comme un ria tout ensemble Après, il donne des exemples de ces hurufs dans des mots. Amthaluha, al-awwalu, donc là on a le hamza. Al-bahru, on a le ba. Al-ghaybu, on a le ghayn. Al-hisabu, on a le ha. Al-jubbu, on a le jim. Al-kamalu, on a le kef. Al-wajibu, on a le waw. Al-wahidu, afan. Al-wahidu, on a le wajibu, ça t'est pareil. Al-khiwanu, on a le kha. الفأل هنا الفاء العهد هنا العين القلب هنا القف اليوم هنا الياء الملك هنا الميم الهوى هنا الهاء قال ملحوظة هناك كلمات فيها ال من أصلها وليست زائدة للتعريف هذا مو كمصبع ال سيلاد دي مو صد الجام كما تشوف الواح فلا يقال فيها شمسية ولا قمرية يا با ديفيرونس توت باي مثلا البانون البان سي كوا الجم دو البان لبن الوان الجم دو لون العاب سي الجم دو لعبة اجواء ولعب كذلك نعم الفاظ في الجم دو لفظ ارواح في الجم دو لوح تمام الغاز الحان الفاق والفاف القاب الثور الكنو السنو مم السنا aussi كذلك اليتون الماسون فهذه الكلمات ال سي حمزه القطع avec un l derrière c'est pas un ajout c'est partie du mot Donc on dit pas مثلاً مثلاً dans la al-sahu, tu dis pas as-sahu. Rib ou as-sahu. Il y a pas. Ah, tu dis quoi, c'est elle après tika. Voilà. Non. فاهم تعالى طيب سندخل في تاء تانيث ان شاء الله قال تاء تانيث التاء كنتيس pour le féminin le تاء comme en fin de mot qu'on emploie pour le féminin de base قد يستعمل في المذكر كذلك dans les mots masculins mais le as c'est chez les mots féminins تأتانيث ترسم إما مربوطة كالها وإما مفتوحة كالتاء donc ce تأتانيث s'écrit de deux façons soit un ها avec deux points qu'on appelle تمربوطة ou soit un تاء normal مفتوح ouvert مربوطة ça veut dire fermé مربوط c'est-à-dire attaché en ربط البطول le fait de lier une chose اولا تأتانيث المربوطة la première وهي التي تلفظ تاء متحركة في الوصل quand tu enchaînes prononce comme un تاء maintenant tu vas dire جاءت عائشة البنت جاءت عائشة البنت prononce comme un تاء وهاء حينما تقف عليها بالسكون ويكون ما قبلها مفتوحا ولو تقديرا et si tu as dessus tu prononces ha comme ha tu vas dire ja'at ja'at Aisha al-bintu et forcément le harf qui est devant ce ha il va être مفتوح tu marbouta ma ma yujad qablaha ila al-fatha c'est tout et ça c'est parmi les alamat de asma tu marbouta من علامات الاسم dans la jumia c'est pas cité mais là tu c'est une nouvelle alamat que tu prends si tu vois un thème arbouté à la fin d'un mot c'est un ism قال الاسماء المفردة لدلالة على تأنيثها تأنيثا لفظيا pour les mots pour dire que leur prononciation est féminine et dans les noms c'est singulier hein. Non singulier. وإن كانت اسما مذكر même si c'est un nom masculin on l'appelle تأتانيث. On va dire que sa prononciation elle est féminine. نحو فاطمة عائشة طلحة حمزة أسامة غزالة صحيفة عالمة فاضلة امرأة وتمرة. Et quand tu l'enchaînes tu dis فاطمة عائشة طلحة حمزة أسامة غزالة صحيفة عالمة فاضلة امرأة تمرة تمام كذلك للدلالة على المبالغة في المدح أو الذم dans des mots qui sont des أوصاف tu rajoutes ce تاء pour donner un côté d'amplification dans la blâme dans l'éloge ou dans la critique مثلا راوية داعية tu dis مثلا la داعية إلى الله c'est-à-dire c'est un prédicateur qui fait beaucoup d'a'wa نابغة هلباجة مثلا علامة علامة مثلا علامة à la base c'est dans le sens de quelqu'un qui a beaucoup de science tamam également ثقة ثقة قال وتلحق بعض جموع التكسير التي لا يكون في مفردها التاء certains parmi le jambe تكسير vont prendre ce تاء à la fin en forme de jam alors qu'à la base ils l'ont pas نحو رعاة دعاة قضاة بغاة هداة أرصفة أرغفة عباقرة même مثلا tu as des jumeaux طالب comment tu sais quoi le jam de طالب طلبة طلبة طلاب طلبة أولئك هم كفرة فجرة أولئك هم الكفرة الفجرة كفرة جمع كافر على بس كفر تبدي كفرة فجرة دفاجر تمام Et là, ça prend du hukm jam taksir. Donc là, à ce moment-là, le T, on le rajoute. Wa fi zarf thamma. Thamma. Tu rajoutes le T à la fin. Il fork beina wa beina harf a'atf thummat. Il y a thumma. Quand même, on met T à thamma pour différencier entre les deux lorsqu'on écrit. Thumma qal tanbihat, des remarques. De toute façon, aujourd'hui, on va juste prendre ta'anis, on va prendre le marbouta. Même Watel Maftouha, on prendra à Raden, Inch'Allah. Qu'est-ce que t'enbihat? Yajibu nukat atta al-marbouta ma lam takun fi maudi' waqf min shi'r ou nasr masjou'. On doit mettre deux points sur ce ta. Tant qu'on n'est pas dans une situation où on s'arrête dans la poésie ou même dans le kalem, le kalem qui serait en rime. Mathalan yakul famujibu as-saddaqa al-musa'ada wa muqtada al-mawaddati al-mughadada. Donc là, regarde bien. Shahid al-musa'ada. Musa'ada, il a pas mis les deux points. Et Al-Mu'adadah, Kazalik. Il a parmi les deux points. Là, c'est pour le wok sur le ha, en poésie. Wa nahu, a'ouzu bi kalimatillahi tamma. Min kulli shaytanin wa hamma. Wa min kulli aynin lamma. Là, c'est un offre, c'est un kalam, c'est pas une poésie. Mais il y a une rime. Donc à ce moment-là, ils l'ont écrit comment? Sans les points sur le ta. Pour que ce soit un ha pur. قال ثانيا التاء المربوطه ترسم مفتوحه اذا صارت متوسطه تمام بين يلحق الكلمه حرف او اكثر donc ce t marbouta qui vient en fin de mot si jamais il devient en deux on se transforme en milieu de mot c'est à dire qu'en fait on attache un nouveau mot comme un damir مثلا في هنا اسمها لا on l'écrit ouverte et là pour le jument d'un terme milieu de mot مثلا رحمته لا رحمة على بس مربوطة اتصل بضمير donc c'est devenu comme un terme milieu de mot donc là il s'ouvre خزنتها آخرتها آخرتك على بس آخرة آخرتك تمام là on a ajouté un كيف et تمرتان على بس تمرة تمرة واحدة Je veux dire tamratani. On a ajouté quoi à la fin? Alif et Nun. Ça a pris le hukm du ta. Thalithan. Troisième cas. Fi rasm al-mushaf. Rusimat al-ta al-marbouta maftouhatan fi ba'd al-mawadi'a. Taïb, ce ta qui est à la base marbouta a été écrit مفتوحه dans le mushaf en certains endroits particuliers nahou ahum yaqsimuna rahmat rabbik donc regarde rahmata c'est écrit avec un ta مفتوح un ta normal et non pas un ta marbouta comme on aurait l'habitude de faire en dehors du coran qala wa hadha khass bi rasm al mushaf hatta 'inda al waqf 'alayha fi al tilawat tuntaq ta Donc c'est un truc qui est khas pour le mushaf. Et il dit, certains qurra, c'est pas tous, par exemple là, dans ce mot-là, là, ils disent, « Ahum yaksimun rahmat » Ils s'arrêtent. Ils disent pas « rahma ». Prononce comme un « ta ». Donc là, si tu vois ce mot-là dans le Coran, c'est un truc qui est khas pour le mushaf. Tamam ? Donc là, c'est les trois choses. On n'écrit pas les deux points sur le thème marbouta dans le shi'r, la poésie, ou lorsqu'on a un kalem qui n'est pas de poésie mais qui est en rime. On ne l'écrit pas également s'il y a une chose qui s'accroche à ce mot, à la fin. Car là, le thème deviendrait maftouha parce qu'il deviendrait comme un terme lieu de mot. Et troisième cas, c'est le mushaf, c'est le bar de mouadir, fakat. Tamam. Et raden, on prendra le thème maftouha et le tarqim, les ponctuations. Wa ba'da hada, dars muraja'a. ان شاء الله مفهوم هذا قيل هنا والحمد لله رب العالمين